Annick Mani, t'es tombée, ben, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Je te lance ça comme ça. Annick Mani, qui est auteur du blog Mi Figue, Mi Raisin. C'est parce qu'Annick est avec nous depuis 15 minutes autour de la table, donc je tenais pour acquis qu'on l'avait présenté. Mais non, auteur du blog Mi Figue, Mi Raisin, qui porte sur la diversité culturelle, et tu es tombée donc récemment sur un film assez spécial. Oui, donc le film s'appelle The Takwa Core, The Birth of Punk Islam. Vous vous direz sûrement, qu'est-ce que le Takwa Core? Mais en fait, le Takwa Core, c'est, je vais le dire souvent juste pour le plaisir de le dire. C'est un mot qu'on prononce pas souvent. Oui, hein? Le Takwa Core. Exactement. Donc, le Takwa Core, c'est un dérivé du punk. Plus précisément, c'est un courant musical associé à la culture islamique. On s'entend pour dire que c'est une combinaison assez inusitée. Lorsqu'on notre collègue de travail, Roberto, m'a parlé du terme, j'ai trouvé ça assez extraordinaire quand même. En plus d'être un courant musical, ben, comme tu l'as bien mentionné, c'est un film. Alors, c'est une fiction, mais avec les prises de vue intrusives qui sont utilisées dans le film, je trouve que c'est plutôt un docu-fiction. Le film est une adaptation d'un livre de Michael Mohamed Knight qui a été publié en 2003. Apparemment, c'est lui qui aurait utilisé le terme pour la première fois il y a 10 ans. En résumé, c'est l'histoire de Youssef, un étudiant tout ce qu'il y a de plus tranquille, d'origine pakistanaise, qui aménage dans une résidence soi-disant étudiante, habitée par des adeptes de musique punk. Ils sont tous d'origine musulmane et le film prend place à Buffalo dans l'État de New York. La résidence ou la maison est à l'image de la culture punk. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment trash. Comme do maison. It yourself. Do it yourself. Ouais, donc c'est pas particulièrement propre non plus. Ceci dit, le paradoxe est intéressant. Un des personnages féminins porte la burqa, mais de manière stylisée. Donc, qu'est-ce qu'une burqa stylisée? C'est une burqa recouverte de macarons et de patchs à l'effigie de slogans punk et de groupes punk également. Donc, c'est quand donc, même sur assez... sur la burqa. Sur la burqa même. Ouais, c'est assez particulier quand même. Et autre paradoxe, tous les matins, la résidence prend des allures de mosquée. Donc, tous les résidents prient de manière traditionnelle comme tout bon musulman. Bon, et le soir, bien, ça se transforme en maison de débauche parce qu'il y a de l'alcool à flot, des vomis partout, puis de la musique extrêmement forte. Donc, c'est quand même un drôle de mariage. Et c'est à travers le personnage de Youssef, donc, qu'on découvre le mouvement Takwa Core. Puis, inévitablement, Youssef est influencé par ce qu'il voit et ce qu'il entend. Et tout au long du film, il tenait à se questionner sur ses croyances, justement, ses croyances religieuses, les valeurs qui ont été inculquées par ses parents, parce qu'il se retrouve vraiment dans un univers qui est extrêmement moderne et conflictuel aussi par rapport à ce qu'il a toujours vécu. Et là, jusqu'à quel point est-ce qu'on parle de fiction ici? Est-ce que c'est quand même un c'est courant, un réel, oui, c'est un réel, courant c'est un connu. Réel courant. Oui, c'est vraiment un courant connu, le Takwa Core. Connu entre oui, guillemets. Là, connu, c'est quand même underground, là, c'est quand même un mouvement alternatif, mais le Takwa Core existe vraiment. Il y a des groupes, d'ailleurs, dans le film, il y a de la chanson, il y a des trames sonores, il y a également des caméos d'artistes qui sont vraiment issus du Takwa Core qu'on voit dans le film, dans les parties trash, là, comme j'aime les décrire. Donc oui, ça existe vraiment. Honnêtement, c'est pas un très bon film. Ça me rappelle beaucoup les films étudiants pleins de bonnes idées, mais au final, le résultat est souvent décousu, mais il est disponible en ligne gratuitement. Et je vous encourage à le voir, ne serait-ce que pour les idées qui sont véhiculées dans le film. Notamment, j'ai réalisé que les univers marginaux peuvent devenir des subterfuges pour les jeunes issus de la diversité. Lorsqu'on évolue dans une société émancipée comme la nôtre, parfois ça peut être difficile de pallier nos aspirations, nos intérêts, notre personnalité et notre héritage culturel, qui peut être un héritage très lourd, dépendamment de la communauté culturelle dont on est issu. Et ce qui se passe aussi dans le pays d'origine actuellement. Exactement. Puis je pense que certains jeunes issus de la diversité peuvent se sentir un peu exclus, ou voire même jugés par les membres de leur communauté, ou tout simplement par leurs parents, qui sont pas très ouverts ou habitués aux modes, qui peuvent être extrêmement extravertis ou un peu frivoles. Puis je pense qu'ils sont pas très réceptifs non plus à l'idée que leurs enfants fassent partie de mouvements comme ceux-là, comme hippie ou tout simplement des skateboarders ou whatever. Donc, peu importe le courant, je pense que beaucoup de parents qui sont peut-être un peu... pas très encourageant, bref. Alors, je trouve que le Takwa Core, ça nous amène justement à démontrer que ça peut être difficile d'être un enfant hybride. Donc, ce que j'entends par hybride, c'est à la fois d'ici et d'ailleurs. Donc, de porter vraiment deux cultures en soi. Je trouve ça vraiment intéressant comme approche. Et là, fais-toi plaisir une dernière fois, dis-le encore. Taquacore! Taquacore, voilà, c'est terminé. On va glisser le lien, d'ailleurs, sur notre page Facebook pour que vous puissiez voir ce film, si jamais ça vous intéresse, ou du moins voir les valeurs qui y sont Attention, avertissement aux âmes sensibles et aux gens prudes. Il y a du vomi, il y a du crachat, il y a beaucoup de bruit. c'est peut-être pas une bonne idée à côté de la chambre de vos parents, là, à 23h avec le cinéma maison. Merci beaucoup, Annick. Il est 8h13.